Bon, alors je laisse ceci. Je veux dire ceux du complet d'homme. Oui, ne vous en faites pas. Excusez-moi, mais ce linge, il est à nettoyer? Pas à sec, il est à laver. Nous faisons aussi le blanchissage, vous savez. Alors je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Oh mon Dieu, quel désordre! Mon paquet est très mal fait. Ces chaussettes sont à mon frère. Comme ces cols sont sales. Cette veste de pyjama est à lui. Celle-là est toute petite. Elle est à moi. Voilà les pantalons. Celui-ci est à mon frère, celui-ci à moi. Voulez-vous avoir la gentillesse de faire deux paquets, un pour mon frère et un pour moi?